Taban, avec tout ce qu'on a cité comme parole par rapport à la hijra, nous sommes tout à fait conscients que c'est une adoration, elle n'est pas facile. D'accord, elle n'est pas facile. Ce n'est pas une mince affaire. Il ne faut pas la prendre à la légère non plus. On sait que des gens ont des difficultés et ça demande une certaine force de tout laisser, de partir comme ça. Ce n'est pas accordé à tout le monde de pouvoir faire le premier pas directement comme ça d'un coup. Mais ce qu'on rappelle aux frères qui savent qu'il est obligatoire, qui veulent la faire, mais qui ont encore du mal, ce qu'on leur dit, ce qu'on leur conseille, c'est de rester sincère envers eux-mêmes. Et Annie ne veut pas, comme on dit, se donner des prétextes et reconnaître chacun sa faiblesse. Quand une chose, on n'arrive pas à la faire, que le serviteur soit sincère envers lui-même, qu'il sache qu'en fait c'est lui le problème, c'est pas la chose en soi. C'est lui qui n'arrive pas à faire la chose. Comme quand on a le sahabi, il n'a pas attaqué demain Anas ibn Nadr, qui avait promis que si jamais Allah lui donnait l'occasion de pouvoir faire le jihad, il montrerait ce qu'il est capable de faire. Et l'occasion lui est arrivée à tel point qu'il s'est jeté dans l'ennemi, derrière Uhud. Il dit: je sens l'odeur de Jannah, Rabbi. Il s'est jeté dans l'ennemi à point qu'il le retrouvait avec plus de 80 coups de lance ou d'épée. Ils ne l'ont pas reconnu si c'était avec son pouce ou ses doigts. Sa sœur l'a reconnu avec son doigt. Et Saad, qui était avec lui, il a dit: Wallah, ce qu'il a fait, j'ai pas pu le faire. Il n'a pas dit: mais comment, ou tu vois, il a dit: j'ai pas pu le faire. En reconnaissant que ce que lui a fait lui, c'était une chose bien. Mais c'est pas tout le monde qui a cette force d'agir de la sorte. Donc, ce que on exhorte nos frères qui ont encore du mal à partir, bien qu'on sait qu'ils veulent partir, ils n'aiment pas la France, on sait qu'ils restent pas par amour pour la France, mais que c'était une chose qui demande une certaine force. On leur dit, pour que Allah te facilite, toi, reste sincère. Comme quand le Nabi sallam, istadukallah, yasdukuk. Si tu es sincère avec Allah, d'accord, dans le sens que les choses véridiques que tu veux, tu vas les obtenir. Mais si tu te mens toi-même, tu t'inventes des excuses pour couvrir cette faiblesse, là on craint pour toi que tu ne sois pas muwaffaq par la suite. Donc lorsque les frères ont du mal à partir, qu'ils ne se disent pas: faut avoir un ikama, faut avoir une maison là-bas, faut avoir un travail, faut que je vois ma famille tous les trois mois, ainsi de suite, plein de choses. On dit non. On dit: toi, fais le dehors envers Allah qui te waffaq, qui t'accorde la force de pouvoir te lancer. Et ça, mais de l'autre côté. Ah, c'est Shaitan ça qui vient pour te freiner. C'est Shaitan qui vient pour te freiner. Ce sont des choses que Allah n'a pas mis comme condition pour faire la hijra. Et il se peut qu'en partant, comme quand Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَلَهُ مَخْرَجَ. Celui qui craint Allah, il lui accorde une issue. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il lui accorde une substance où il ne s'y attend pas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ وَحَسْبُ. Et celui qui met sa confiance en Allah, il lui suffit. Donc on dit: méditez bien ces versets-là. Ces versets-là n'ont pas besoin d'un tas de paroles. Le verset en lui-même, il est clair. Si tu lui fais confiance, si tu le crains, il t'accordera une issue. Mais toi, fais le premier pas. Lance-toi. En t'embêtant dans ce temps-là. Et par la suite, patiente. Si ce n'est pas la moindre épreuve, tu repars en arrière. Patiente. Bad al-usr yusr. Après la difficulté, la facilité. Les épreuves, c'est inévitable. Et l'épreuve, justement, est là pour que Allah voit qui est ferme, et qui est patient, et qui remercie. Si dans l'épreuve, tu te sauves, tu vas en arrière, tu n'as pas réussi à passer l'épreuve. Et ce par la suite, tu ne sois pas muwaffaq pour recommencer. يقول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. Il dit que nous avons retourné leur cœur et leur vue du fait qu'ils n'y aient pas cru la première fois. Le verset, là, à la base, il parle des koufars qui n'ont pas accepté le haq, alors qu'ils l'ont reconnu et qu'ils l'ont rejeté. Et Ibn Qayyim se sert de ce verset-là pour dire que même celui qui a une chose à faire, qui sait qu'il doit la faire, mais qui la rejette avec des fausses excuses, il rentre dans ce verset. Que par la suite, Allah peut, pour du fait que tu as retourné, tu as rejeté la chose, en sachant qu'elle est réelle, mais le problème il vient de toi, que Allah t'entoure ton cœur par la suite. Donc faire attention à ça. Donc ça c'était une nasiha. Donc que les frères, ils s'en remettent à Allah qui n'ait pas peur. dans le sens une peur muharram qui te fait tomber dans l'interdit. Et ne regardez pas ceux qui sont revenus. Regardez ceux qui sont restés et qui sont morts en terre d'islam. Regardez ceux-là, regardez les sahaba, regardez les salafs. Et parmi les frères qui ont fait un parcours et qui ont, alhamdoulilah, en apparence, quand on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas le raïb illallah, mais nous on part sur les apparences, des frères qui sont partis et qui sont morts en terre d'islam. Regardez ces frères-là. Regardez pas ceux qui sont rentrés. Non.